Parce que je vais mourir que cette fois. Il va faire tes commissions. Je te garde tes petits. Je te garde tes petits. Oui, mais il va faire les commissions pour tes petits. Et moi, je te les garde. Je te les mangerai pas. Et j'ai envie de rentrer dans ton territoire. Et je rentrerai la porte on est tout de suite les blancs. Et puis moi. Laisse-moi la porte ouverte. Oh, sinon, je passerai par la fenêtre. Je n'ai pas de fenêtre. Eh ben, je passerai par-dessus parce que j'ai des ailes et je suis un oiseau. Je suis un oiseau. Et toi, t'es une poule mouillée parce que t'as que des enfants qui sont des poules et des chèvres. Non, c'est pas des poules parce que toi, t'as une piquette qui sent mauvais et t'as fait caca dans ton lit. En plus, je n'aime pas les gros bébés qui font caca de partout. Et moi, je veux rester dans mon territoire. Et toi, t'as un cucu qui est plein de crottes. De cucu.